tautologie au microphone. La tauromachie avec le Minotaur. Je me bâtis, je me nourris de ce que me propose le globe. À coups de fil d'abrasif, je représente d'ici à la ville rose. La mythologie au microphone, depuis la nuit de mes temps, je ne laisse pas la forme toucher le fond. Des milliers d'images d'Alexandre le Grand au colosse de Rhodes, de l'étymologie à l'origine de l'Holocauste. Ma bravoure enchaîne les textes, je reste philosophe, quitte à pratiquer la tauromachie avec le Minotaure. Sans foi ni cause, trop se croit mi-dieu mi-homme, ironise. Pousse à la débauche, pire que Dionysos. Des gosses qui bossent dur au jour de la récolte. Les traits des rosses, la vérité sort de la bouche des nôtres. Des paroles aux écrits de Socrate à Platon. Des premiers cris au battement des ailes de la colombe. L'esprit du pognon sous l'apparence d'Apollon. Les fils du narcissisme et le visage des colons. La percée des spartiates et la naissance de Léonidas. Que la paix prospère quand la guerre n'a rien de formidable. Hip-hop, classique, loi de leur prose de l'âge ou le rap se métamorphose face à de grosses liasses. Des polythéistes à ceux qui prient le père des hommes. La tristesse ne cède pas de place à la raison. Prêtez le serment d'Hippocrate et regardez crever les autres la bouche ouverte. Perdre tout dès l'arrivée des eaux. La mer inonde, la terre amène des millions de questions. Avons-nous déclenché les foudres de Poséidon? J'ai comme une impression que c'est possible. Comme une impression qu'on ne fera jamais taire mon possi. À ceux qui se prétendent unis à la vie, à la mort. Au final résume tout en chiffres autant que Pythagore. Les flammes de l'enfer, les Amazones et Aphrodite. La sagesse d'Athéna, la violence hermaphrodite. Les fanatiques d'Hercule n'arrivent pas à la cuisse de Jupiter. Ces justiciers ou les faux empereurs de l'univers. Des sacrifices aux aides humanitaires. L'être humain ou le moins respectable des mammifères. Et ne me dites pas qu'il faut s'y faire, serait si facile. Vas-y abrasif, explique-leur. Et ne me dites pas qu'il faut s'y faire, serait si facile. Pleurant sur plumes d'Icar, se maîtrise comme les dédales. À la semaine bien plus de 10 grammes pour que l'oubli comme les dégâts. Les M6 prennent pour des dieux, je vois qu'ils se marrent mes faïstos. Puisqu'ils s'entêtent et partent en guerre sur l'arsenal des faïstos. On ne fera pas de concessions, alors les restes tu t'en contentes. Mes soldats n'ont qu'une profession, depuis Caresse c'est dans mon camp. Ah les rêves mais ne confond pas la cocaïne et l'aspartame. Car l'équipe possède la rime et la technique de la spartiate. Vas-y plains-toi, reproche au temps des chronos. Mais t'étonne pas de n'être personne quand t'as le flow d'un métronome. Les pensées ivres de l'air, j'évite les pêches et les raclées. J'irai tuer l'hydre de l'herne avec mes flèches comme Héraclès. La tristesse ne quitte les miens qu'après avoir plié 10 packs. Seul maître à bord comme Ulysse exilé d'Ithaque. N'oublie pas, suivre le courant, c'est imiter les poissons morts. Tu veux rapper comme l'exhaleur, autant briser la toison d'or. On bat l'espoir, nourrit les hommes, tandis que l'état les laisse périr. Alors qu'un gros tas de pommes d'or remplit le jardin des Hespérides. Est-ce terrible, je viens des enfers et j'ai vu que la poisse y dérive. Bosse ta rime sans commentaire avant que l'ambroisine périme. Mélange de magie et sans dogme, j'ai rempli 6 sacs d'engérants. Inutile de se faire un sang d'encre. Quand compte Scylla dans ses rangs, épargne tes fils. Aucun d'entre eux n'aura de repos qui nous défie. Nos lames fines couperont le fil comme Atropos. De belles garces, ouais. Comment les chiennes peuvent t'en promettre? L'heure est grave, t'apprendrais ce que sont les chiennes pour Andromède. Je crache ma haine envers l'Olympe, que je sois banni ou commentaire. Qu'ils m'enferment au fond des limbes, j'aurai ma vie au commandeur. Moi, ici Némésis, ou barbare au flot serpette. Toi, victime dépressive, ou barbare pour mon cerbère. J'ai étreint tant d'âmes tristes, puis chassé tant de harpies. À serein, pas d'actrice, plus que jamais l'étendard prime.